m'entendez en arrière? Ça doit, on a un bon technicien ce soir. Le titre de la conférence de Daniel d'aujourd'hui, les disparitions mystérieuses. Les disparitions mystérieuses. Je vous fais une lecture rapide de ce qui est indiqué dans le pamphlet, puisqu'on devrait discuter. Je suis jamais sûr, théoriquement. Chaque année, des milliers de personnes disparaissent mystérieusement sans laisser de traces. Des enfants sont enlevés pour des raisons étranges, par des êtres étranges. Pourquoi? Des troupes complètes de l'infanterie américaine. Le technicien va disparaître. Les troupes complètes de l'infanterie américaine sont disparues dans des circonstances inexpliquées, après avoir traversé un nuage qui flottait au sol. Que leur est-il arrivé? Des êtres inconnus s'intéressent de près à notre race. Que nous veulent-ils? Les femmes sont mises enceintes par ces étrangers puis relâchées. Quel genre de bébé mettront-elles au monde? Qui sont ces êtres? Que nous veulent-ils? Pourquoi sont-ils si méconnus? J'ai fait une lecture rapide de ton dernier roman. Là-dedans, t'en parles un petit peu des extraterrestres puis des disparitions mystérieuses. J'ai surtout lu à la fin une note de l'auteur. Une partie des événements cités dans ce roman sont une pure œuvre de fiction, bien que plusieurs personnages soient réels, leurs noms ont presque tous été changés afin de préserver leur tranquillité. C'est un roman ou c'est un reportage? Ben c'est... En mettant un roman, ça passe mieux. Fait que je peux lire un petit extrait d'un enlèvement. Bon, il y a un chauffeur qui amène un camion chargé d'enfants et de femmes enceintes, et quelques hommes aussi, un intraterrestre, je crois, d'après la lecture. D'où viennent-ils, demande-t-il. Ils viennent tous de la Floride, répond le camionneur. La majorité viennent du même parc d'attractions. Combien de mâles? Dans toute la cargaison, 23 jeunes garçons, 32 jeunes filles, il y a aussi 13 femmes enceintes. Ce n'est pas beaucoup, fait l'homme vert. Ils sont tous conformes à vos spécifications, ils ne sont pas faciles à trouver, explique le conducteur. C'est bon, conclut l'intraterrestre, nous les déchargerons. C'est des intraterrestres ou des extraterrestres qui enlèvent les gens? Ben, quand c'est pas les humains, c'est au profit des intraterrestres, surtout que les êtres humains vont être enlevés par certaines forces policières de certains pays. Les gouvernements sont relativement au courant des choses, mais je ne parle pas nécessairement des dirigeants des gouvernements. Et de temps en temps, il y a des extraterrestres aussi qui vont intervenir, mais les extraterrestres qui interviennent pour enlever sont ceux qui ont engendré la race intraterrestre, les deux races intraterrestres que la Terre connaît. Donc finalement, c'est toujours pour la même espèce et qui est surtout représentée sous forme d'intraterrestre à l'échelle de la planète. Qu'est-ce que c'est un intraterrestre? C'est quelqu'un qui vit sous la Terre. Mais il te dit qu'il y a deux formes d'intraterrestres. C'est quoi quelles sont les deux formes? La première et la deuxième. La différence entre la première et la deuxième? Oui, je vais anticiper la question. OK. Il y a de cela quelques millions d'années, il y a des êtres extraterrestres qui sont arrivés ici sur la Terre. L'être humain n'existait à peu près pas encore. C'est surtout les animaux. Et cette race, qui était une race de bannis, c'est une race d'extraterrestres, donc extérieure au contexte planétaire, totalement bannis, des bagnards, sont arrivés ici. Et ils ont établi certaines structures pour être capables de vivre. Et ils se sont mêlés avec certains humains. Ils se sont mêlés surtout avec des animaux, de temps en temps. Et ils ont élaboré certaines formes de société. Et quand je dis qu'ils se sont mêlés non pas sexuellement, mais du point de vue de leur corps physique, du point de vue de leur présence physique, et ils ont élaboré certaines formes de société qui ont coloré par la suite ce que va être la Lémurie, surtout ce qui va être l'Atlantide. Dû au réchauffement planétaire, on sait qu'à l'époque de l'Atlantide, il n'y a pas encore, le soleil n'est pas visible de la planète, c'est uniquement des gaz... à queue, donc c'est des nuages, c'est l'eau, il n'y a presque pas d'océan, l'eau est dans l'air. Et les Atlantéens, ainsi que les extraterrestres qui vont vivre avec eux, ne peuvent pas voir le soleil. Étant donné que la Terre se refroidit graduellement, il y a un temps où l'atmosphère devient trop froide, devient trop lourde, et là l'eau tombe. La Bible parle de 40 jours de déluge, un déluge universel. En réalité, il y aura 7 paliers de déluge différents au fur et à mesure que la Terre va se densifier. Le refroidissement de la Terre est connu. À l'époque, la Terre était beaucoup plus chaude. De ce fait, on va retrouver des mammouths même en Sibérie. Et donc, ces animaux vivaient dans des périodes où il faisait suffisamment chaud. On aura aussi des ossements de dinosaures un peu partout sur le plan planétaire. Et on sait que les dinosaures sont des lézards, donc les lézards sont à sang froid. Ils ont besoin de soleil, donc de chaleur. Surtout de chaleur plus que de soleil. La Terre est extrêmement chaude. Sur les vieilles cartes, on retrouve encore le nom Greenland à l'endroit où, sur les nouvelles cartes, on a le nom Groenland. Parce que la Terre verte, Greenland, à l'époque, elle a été baptisée comme cela lorsqu'elle a été découverte. Parce que les gens qui l'ont découverte s'attendaient à trouver des vestiges de l'hyperborée, des vestiges d'un endroit, d'une forme de paradis où, à l'époque, il faisait chaud et où il y avait une végétation de jungle. Parce que les extraterrestres vivent une problématique majeure, celle que chaque fois qu'ils s'approchent d'un contexte planétaire comme le nôtre, ils se densifient eux-mêmes, donc ils se refroidissent. Et on n'a jamais retrouvé d'extraterrestres. On n'en a jamais capturé ou retrouvé d'extraterrestres en parfait état de fonctionnement. Si on fait référence à certains films comme E.T., l'extraterrestre doit partir vers un laps de temps, sinon il va mourir. Cocoon, les personnages extraterrestres ont 30 à 60 jours pour faire le travail. L'homme des étoiles, il a une trentaine de jours pour récupérer un vaisseau spatial, sinon il meurt. Et tous les films qui ont été faits à caractère extraterrestre sont toujours basés sur le même principe. L'extraterrestre contact de la Terre se dégrade, donc on va dire il meurt, mais en réalité, il se dégrade à un point tel qu'il finit par ne plus être capable d'user de la mécanique qui l'a amené, ou même de son cerveau et de son savoir. Parce que la Terre est en processus de refroidissement, les extraterrestres qui l'habitent vont devoir graduellement pénétrer l'écorce de la Terre, qui à l'époque n'est pas totalement dense. On sait encore aujourd'hui qu'il y a des volcans. Les volcans, c'est de la lave elle est en fusion, donc la chaleur à l'intérieur de la Terre est encore extrêmement haute. Et ces personnages vont se creuser des cavernes. Ils vont aussi surtout solidifier des alvéoles gazeuses qu'il y a, à même l'écorce terrestre. La solidifiant avec des matériaux, ils vont empêcher cette écorce de s'effondrer. Donc, ils vont pouvoir se créer, c'est-à-dire conserver d'immenses cathédrales sous terre. Quand je parle de cathédrales, d'immenses grottes, où dans lesquelles on pourrait facilement mettre la ville de Montréal sans trop de problèmes, question de déménagement. Et progressivement, la Terre va se refroidir, ce qui va obliger cette race à gagner le sous-sol et à rester à l'intérieur du sous-sol. Et pourquoi ils vont rester à l'intérieur? Pourquoi ils sortent? Parce que leur génétique ne leur permet absolument pas de vivre dans un contexte trop refroidi. Elle involue. Une deuxième vague d'extraterrestres arrive quelques millions d'années plus tard et ces êtres vont aider l'humanité à avancer, vont essayer de s'allier à l'humanité de façon à engendrer des demi-dieux, c'est-à-dire d'engendrer des êtres qui seront capables de supporter la conscience évolutive ou involutive à cette époque des extraterrestres dans un corps physique humain. Donc dans un animal humain, de façon à ce que la génétique puisse devenir suffisamment solide pour supporter la conscience réincarnationnelle des extraterrestres. Alors on aura des légendes qui vont parler, on aura évidemment à chaque fois que les dieux vont engendrer avec la femme ou avec l'homme, lorsque ce sont des déesses, ils vont engendrer des demi-dieux. Mais les demi-dieux sont dans la majorité des cas stériles. Alors il y aura des légendes qui vont parler des enfants des demi-dieux, mais ces enfants-là ne vont jamais loin au niveau de l'historicité, pour la simple raison que cela fait partie de l'attente humaine ou de l'attente extraterrestre de la légende. Les êtres engendrés comme cela ont toujours été stériles. Ces êtres aussi vont progressivement devoir gagner les sous-sols terrestres parce que la Terre est de plus en plus froide. Bon, aujourd'hui la Terre, elle est froide, elle se rapproche de réchauffement, on parle de la pollution, on parle de l'effet de serre, on parle de plusieurs choses. Et les intraterrestres, donc finalement, vont par la suite essayer plusieurs mélanges génétiques avec les animaux. Cela va engendrer les gargouilles, cela va engendrer différents phénomènes qui font partie de la, de l'histoire, superstitieuse de l'humain, mais ces êtres ont existé. Il y en a plusieurs autres, d'ailleurs, qui ont existé et qui n'existent plus aujourd'hui. Ces êtres sont restés stériles. Progressivement, les intraterrestres doivent descendre de plus en plus creux dans le centre de la Terre, et la Terre se refroidissant de plus en plus, cela fait en sorte qu'à un moment donné, eux savent bien qu'ils devront absolument trouver une façon de muter leur génétique pour pouvoir gagner la surface et continuer à vivre. Plus on descend vers le centre de la Terre, plus l'énergie est puissante, plus la gravité est faible. Il y a un paquet de problématiques sur lesquelles je passe, qui fait que les intraterrestres, présentement, sont confrontés à devoir, pour survivre, absolument voler une génétique humaine ou animale. Et présentement, avec les animaux, ça n'a rien donné. Alors, depuis plusieurs dizaines d'années, ils travaillent à essayer de s'associer à la génétique humaine. Leur forme n'est pas ce qui... La forme de leur corps physique, à travers une forme d'involution planétaire, ressemble énormément à quelque chose qui est plus ou moins lézardeux. Bon, ressemble à des lézards. Maintenant, ce ne sont pas des lézards. Quand ils sont aperçus par des humains, régulièrement, certains humains en voient, ils vont stimuler des légendes, c'est-à-dire qu'on va écrire des romans. On parle, évidemment, quand on parle d'extraterrestres, on parlait à l'origine d'un petit homme vert. Bon, avec des antennes. Bon, le petit homme vert, c'était fréquent déjà dans la légende que l'extraterrestre, le martien à l'époque, hein, ça ne vient pas de Mars, mais quand même, le martien à l'époque, était un homme vert. Pourquoi des antennes? J'ai déjà expliqué qu'au Mexique, il y a un bonhomme qui a tué un extraterrestre, c'est un barbier, il l'a mis dans sa vitrine, et les gens venaient voir l'extraterrestre, faisaient couper les cheveux, puis en même temps, ils discutaient de l'aventure du barbier. Jusqu'à temps qu'un bonhomme, un zoologiste, se rende compte que c'était finalement un singe qui avait été rasé et auquel on avait planté deux clous dans la tête, qu'on a peinturé en vert. Bon, c'était donc un petit bonhomme vert avec des antennes. Mais l'idée de l'être vert, l'extraterrestre vert, reste. Quand on regarde certains films, comme le film V, une série qui est passée à un moment donné, à la télévision, les extraterrestres qui viennent aider l'humanité sont finalement des lézards qui viennent détruire l'humanité. Il y a régulièrement cette connotation ésotérique, c'est-à-dire ésotérique en ce sens que ça fait partie des choses cachées de la masse, et qui parle justement d'homme vert. Les intraterrestres et les extraterrestres qui habitent, on parle de seigneurs de la Lune dans certaines formes de traditions ésotériques, ce sont des phénomènes justement qui vont engendrer l'intraterrestre, et on parle de Vénus, on parle de Ganymède, un satellite, des planètes qui tournent autour du Soleil. Ces personnages font partie des deux races qui ont engendré les intraterrestres et qui sont simplement à l'affût pour pouvoir récupérer. La majorité des apparitions extraterrestres sont des apparitions intraterrestres, donc ce sont même des vaisseaux qui... Il y a un bonhomme un jour qui a écrit un livre sur les extraterrestres et leur base qu'ils avaient probablement au fond de l'océan. Pour la simple raison que lui avait remarqué que dans la majorité des apparitions extraterrestres, lorsque l'on voyait les vaisseaux disparaître, plusieurs de ceux-ci disparaissaient dans l'eau. Ce sont des vaisseaux intraterrestres, ce ne sont pas des vaisseaux extraterrestres, même s'ils proviennent disons, originalement de l'extraterrestre réalité du monde. Depuis des dizaines d'années, les intraterrestres travaillent avec les différents gouvernements de façon à échanger de la technologie, que ce soit le laser à compression temporelle qui est en train de se développer en Europe présentement. Il y a plusieurs phénomènes qui sont amenés par les intraterrestres. Est-ce qu'ils ont été amenés, ces phénomènes-là ou cette technologie-là, de l'extraterrestrialité ou ils l'ont créé au moment où ils étaient intraterrestres? Les intraterrestres avaient cela. Ils perdent graduellement leur technique. Ils ont ajusté leur technique à ce qu'ils avaient sous la Terre. Maintenant, à cause de la pollution industrielle, à cause de différents phénomènes sous terre, ils ne peuvent pas évoluer rapidement leur technologie. Leur technologie a tendance donc graduellement à s'user et à se perdre. Parce qu'ils sont en contact avec des gouvernements, soit du bloc de l'Est, soit du bloc de l'Ouest, ils échangent de l'information du bloc de l'Est au bloc de l'Ouest en échange d'êtres humains, ils échangent des informations du bloc de l'Ouest au bloc de l'Est en échange d'êtres humains. Alors, bref, ils servent les deux camps, l'un contre l'autre, sont des agents doubles. Et ils ont un intérêt évident à trouver une génétique humaine capable d'être mutée ou de s'associer à la leur pour engendrer un troisième phénomène, un résultat qui ne sera pas stérile. De ce fait, il y a aux États-Unis, entre autres, il y a au Canada, il y a dans tous les grands pays, les pays nord-planétaires surtout, pendant longtemps, les extraterrestres ont fait des essais sur les vaches, sur les animaux de ferme, et ils ont essayé de s'approcher des animaux qui, eux, s'approchaient de l'homme, parce qu'il y a une évidence marquée dans la mutation des espèces qui côtoient l'humain. Les chevaux se plaisent, sont plus heureux avec l'homme qu'en liberté, le chat est plus heureux avec l'homme qu'en liberté, le chien est plus heureux avec l'homme qu'en liberté, les vaches, on n'en trouve à peu près pas en liberté. Il y a énormément d'animaux qui, finalement, sont des animaux humains, s'approchent de l'homme, ont besoin de l'humain. Alors, ils ont fait énormément d'études pour connaître, premièrement, le conducteur des structures amiques, donc de l'âme, le sang, le cœur, le foie, le cerveau, les yeux. Les yeux sont une excroissance cérébrale. Quand le fœtus commence à grandir, à un moment donné, du cerveau part une excroissance, deux excroissances, ça va engendrer l'œil. C'est pour ça aussi souvent qu'ésotériquement, on parle d'une vision céleste ou quelque chose du genre. Le cerveau est un œil, un immense œil, qui voit des longueurs d'onde que l'œil physique ne voit pas. Mais les deux sont reliés ensemble, c'est la même chose. Alors, ils ont fait des expériences. Ces expériences ne sont pas concluantes. Présentement, quand vous allez avec vos enfants, par exemple, dans certains parcs d'attractions, qu'il ne faut pas nommer les noms, eh bien, votre enfant rentre dans un manège, et puis il chemine dans le manège, et puis à un moment donné, ben, tous les enfants sortent, mais il en manque un. Et la police de ces pays a déjà démonté au complet des manèges. On n'a jamais rien trouvé, assez qu'aujourd'hui, ça devient presque une habitude. C'est madame, monsieur, bien, non, on ne peut pas rien, je suis désolé. Même si on défrait tout, on ne retrouvera rien. Il y a énormément d'enfants qui disparaissent, énormément de femmes qui disparaissent, des femmes qui sont mises enceintes ou des femmes qui sont légèrement enceintes en dedans d'un mois, parce que les fœtus sont mutables. On peut travailler génétiquement des embryons à cette époque-là. Et il y a phénoménalement de ce genre d'événement qui va arriver. C'est quoi l'avantage de prendre un fœtus, comme tu dis, il est encore mutable avant un mois, mais mutable en quoi? Est-ce que ça va donner un extraterrestre, ça va donner un humain modifié, ou ça va donner quoi? Ou est-ce que ça donne quelque chose, ou ça donne rien actuellement? Ça donne rien. Présentement, les intraterrestres ne sont pas parvenus encore à solutionner leurs problèmes. D'ailleurs, dans un avenir, si on regarde les livres d'histoire, c'est l'humain qui va régler le problème de l'intraterrestre. Autour des années 2040, à peu près. Bon. Alors, l'intraterrestre, actuellement, il n'y a rien de réussi là-dessus. On peut, par contre, prendre des humains, les manipuler suffisamment, c'est-à-dire qu'on est capable en Haïti, en Jamaïque, en Martinique et dans quelques pays en Afrique, il y a des sorties de canal intraterrestre et on travaille énormément sur certains personnages blancs qui visitent ces pays. On les enlève. On part à l'aide de rituels totalement planétaires qu'on appelle le vaudou. On en fait des zombies, donc on extirpe leur âme. Le corps vital, le corps physique reste intact. Et là, on essaie encore de tuer, c'est-à-dire par le même vaudou ou un vaudou similaire, de vider l'âme d'un intraterrestre pour le faire pénétrer le corps de l'être humain. Alors là, on aurait un corps physique avec une âme intraterrestre qui pourrait donc, par la suite, se reproduire en communiquant l'âme par le biais du sang. Sauf que le sang intraterrestre n'a pas la même valeur, n'a pas la même substance. Le sang intraterrestre, pour fonctionner convenablement, l'air de l'intraterrestre doit être imbibé d'anhydride sulfureux et d'anhydride nitreux. Donc, de gaz à caractère azoté, nitrique, et à caractère sulfureux, avec du soufre. L'atmosphère doit être suffisamment chaude, ce qui fait que pour que l'âme, parce qu'on sait très bien que lorsque l'être humain, lorsque vous avez des émotions, ça ne paraît pas tant que le corps ne réagit pas. Le corps réagit uniquement parce qu'il y a une sécrétion d'hormones, et c'est le sang qui amène l'hormone à différents récepteurs spécifiques du corps, et là, il y aura une réaction corporelle. Là, par la suite, il y aura une lecture corporelle cérébrale de la réaction du corps physique, et là, l'âme, par la suite, est au courant de ce qu'il a exprimé, donc l'âme peut dire « je pense, donc je suis », ou encore « j'ai peur parce que mon cœur s'accélère, parce que je transpire », etc. Sauf que l'âme de l'intraterrestre ne s'exprime par une forme de périsprit dans un liquide sanguin qui n'est pas constitué comme celui de l'être humain. Ce qui fait que jusqu'à là, ça ne fonctionne pas bien. Quand on transfuse un âme d'intraterrestre dans un corps humain, il n'y a pas la lecture, il n'y a pas l'expression, ce qui fait que progressivement, l'intraterrestre devient un être humain. Bon, il va réincarner 24 heures sur 24 des mémoires du monde de la mort. Si on considère aujourd'hui la problématique, on regarde la pollution, il y a des destructions de la couche d'ozone. Les rayons, le rayonnement ultraviolet a l'avantage, lui, de se transformer en infrarouge au contact de la planète. L'infrarouge, lui, est de la chaleur. Alors, s'il y a destruction de l'ozone qui réfléchit l'ultraviolet, s'il y a accumulation de gaz carbonique à l'échelle industrielle, cela engendre l'effet de serre, réchauffement planétaire. S'il y a création d'anhydrides sulfureux et d'anhydrides nitriques qui vont engendrer les pluies acides, il y aura donc progressivement sulfuration et nitrisation de l'atmosphère. Les intraterrestres manipulent la majorité des gouvernements et manipulent la majorité des structures industrielles pour polluer d'une façon très écologique en fonction de leur écosystème le contexte planétaire. D'où l'importance du réchauffement, donc de l'effet de serre, d'où l'importance des pluies acides, d'où l'importance de la destruction de la couche d'ozone. L'humain, dans sa conscientisation, s'éveillant à cela, commence à essayer de cesser de détruire l'ozone. Ce n'est pas bon pour lui. D'éliminer les effets acides au niveau des pluies, ça stérilise les lacs, ça stérilise, bon, mais ça rend l'eau potable pour les intraterrestres. Il y a plusieurs choses qui vont se passer. Sous terre, il y a énormément d'anhydrides sulfureux et d'anhydrides nitreux. Les volcans dégagent énormément. Il y a de ce genre de ces choses, et il fait plus chaud. Les intraterrestres travaillent sur plusieurs fronts en même temps. L'enlèvement, évidemment, d'une forme d'élite génétique, mais pas d'une élite intelligente. Plus l'être humain est intelligent, moins il risque d'être enlevé. Pourquoi? Pour la simple raison que si l'être humain est trop intelligent, il y a un avancement trop puissant au niveau de sa génétique et il y aura un déphasement trop marqué par rapport à l'intraterrestre. L'intraterrestre veut diriger les intelligents, mais ne peut pas les pilonner, ne peut pas posséder leur génétique. Alors, il va s'attaquer normalement à des êtres humains qui font partie de la moyenne basse. La majorité des êtres qui se font enlever, donc on parle de disparition mystérieuse, la majorité des êtres qui se font enlever seront soit des enfants, d'où l'idée, l'enfant en bas de la puberté, son intelligence n'est pas encore implantée en termes de maître contrôleur chez lui. Il est assujetti à ses parents, assujetti à la société, assujetti au pouvoir, à la puissance des adultes. Et normalement, si s'il y a des adultes qui sont enlevés, ce sera des adultes qui seront très spirituels, très superstitieux, des adultes, donc, qui n'ont pas encore d'implant mental suffisamment puissant pour attirer l'énergie supramentale ou l'intelligence instantanée. De ce fait, c'est ces personnages-là qu'on va récupérer. Car souvent, les gens posent la question, oui, mais pourquoi les extraterrestres, en réalité les intraterrestres, ne rencontrent-ils pas les gouvernants, les aristocrates, pourquoi ils ne viennent pas atterrir directement en plein milieu de Montréal, de Washington, de Paris, de Budapest ou de Moscou? Et voilà, c'est nous. Les êtres intelligents ne pourront vibrer suffisamment. Intuitivement, ils ne pourront faire confiance à ces personnages. Et la majorité de la population, si elle est trop mentalisée, elle voudra marchander avec l'intraterrestre ou l'extraterrestre, en ce sens que la majorité de la population, ceux qui auront peur vont se pousser, les autres ne voudront pas embarquer. Et comme je disais souvent dans les autres années, si un jour vous rencontrez un extraterrestre, lui doit rencontrer un terrestre extra. C'est ce qui va progressivement arriver. Et de ce fait, les intraterrestres, qu'on appelle extraterrestres, n'ont pas d'avantage à avoir un contact direct avec l'être humain, qui est suffisamment évolué. Donc, normalement, ils vont rencontrer, ils peuvent être aperçus par des êtres humains évolués, mais ils ne le rencontreront pas. On parle de rencontres du troisième type, ou rencontres du 25e type, joue aux échecs avec un extraterrestre. Rencontre du troisième type, ça va se faire uniquement en face d'êtres humains collectivisables, d'êtres humains qui attendent d'être sauvés, d'êtres humains qui sont convaincus d'être des loques, d'être un véhicule biologique, c'est-à-dire que moi, je suis tellement petit, je ne peux rien faire, ce qui fait que si je ne suis pas sauvé par Jésus, par Dieu ou par un extraterrestre, je vais finir dans une poêle à m'en manger. Ces êtres-là, les intraterrestres, vont tenter de les contacter. Est-ce qu'ils sont plus nombreux ou moins nombreux que la population de la planète? Beaucoup moins nombreux que la population de la planète. Quel danger il y aurait à ce moment-là pour les gouvernements qui acceptent de faire du chantage avec eux, finalement? C'est un échange, une forme de pacte pour avoir de la technologie, mais est-ce qu'il n'y a pas dans ces gens-là, dans les gens du gouvernement, un assez brillant pour arrêter ces échanges-là? Bon. Les intraterrestres travaillent énormément pour que les gouvernements du pacte de Varsovie et de l'OTAN s'allient ensemble, s'associent et entreprennent un désarmement nucléaire. Bon, c'est vital pour l'intraterrestre que l'homme ne fasse pas de guerre nucléaire. Bon, j'ai expliqué souvent que, et on le sait aujourd'hui depuis Tchernobyl, qui est un accident intraterrestre en Union soviétique, on sait, les Russes ont été trop vite, on sait que la radiation engendre des mutations génétiques négatives extraordinaires. Et les intraterrestres ne pourront pas survivre à une agression nucléaire de surface. Du point de vue de la génétique, ils vont totalement être dissous. Donc, ils forcent les deux grandes nations, les deux pactes, à s'allier dans un désarmement nucléaire. En même temps, ils vont travailler pour que l'homme fasse attention pour se protéger d'une invasion extraterrestre. Il y a des intraterrestres cachés derrière la Lune, il y en a derrière Vénus, il y a des intraterrestres cachés sur la Lune Ganymède. Mais il y a de plus en plus évidence d'une intervention extraterrestre qui ne fait pas partie de ce que l'humain connaît, donc des contacts historiques antérieurs avec l'homme. Cette intervention extraterrestre est une intervention qui se fait premièrement par la création d'un contact entre la conscience évolutive de l'homme et la conscience involutive de la mécanique supramentale, donc extraterrestre en ce sens n'appartenant pas au contexte planétaire. Donc, contact entre l'esprit et la matière, entre l'homme et lui-même, entre la femme et elle-même, entre l'enfant et lui-même, c'est l'intelligence supramentale, l'intelligence instantanée, qui ne provient pas de l'apprentissage, qui n'oblige pas l'humain à apprendre pour savoir, mais qui lui permet de savoir instantanément ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Cette intervention extraterrestre, elle est commencée depuis 1967. En termes de contact, renforcé en 69, surenchéri en 71, et depuis 85, il y a de plus en plus d'êtres humains qui s'éveillent à eux-mêmes et nécessairement auront ce contact avec l'intelligence instantanée que dans l'Antiquité on appelait l'énergie christique, le Christ, ou l'Esprit Saint. Là, cette forme de contact-là, c'est pas un contact physique, c'est un contact de conscience. C'est un contact physique, mais dans une matière que l'humain n'appelle pas physique. Donc, c'est un contact de conscience. Il n'arrive pas avec des vaisseaux. Non. Il n'arrive pas avec des vaisseaux sanguins. L'extraterrestre, c'est ce qu'il veut, lui. Il arrive avec un vaisseau sanguin pour pouvoir se connecter à l'humain et piquer sa génétique. Mais progressivement, les grandes nations vont s'arranger pour braquer la majorité de leurs armements vers le ciel. Parce que dans les années qui vont venir, il y aura effectivement apparition. Bon, amusons-nous simplement. Mère, qui était la femme de Sri Aurobindo, les deux l'être, il y a eu Krishnamurti, évidemment, Jiddu Krishnamurti, qui fait partie de la même race, une race aryenne, donc une race hindoue. Et ces personnages, à part mère qui est plutôt européenne, indo-européenne, on va donc dire, mère, elle a un contact avec l'énergie supramentale, et à un moment donné, dans l'un des écrits qui a été fait, qui a été mis sur papier par Satprem, qui était le disciple de mère, elle explique qu'à un moment donné, en contact supramental, avec suffisamment d'individus qui subitement sont devenus suffisamment anégoïques, les mots sont mes mots, là, anégoïques, ils ne connaissent pas, sans égo, à un moment donné, il y a eu une présence supramentale telle qu'il y a des particules de neige qui ont commencé à tomber, une neige chaude, non humide. Elle appelle cela de la neige supramentale. Bon. La neige supramentale, on parle donc là de matérialisation dans la matière d'un phénomène supramental. Effectivement, c'est arrivé à plus qu'une place. À un moment donné, il y a un personnage qui parle de la manne dans le désert. Et il parle de certaines choses. Bon, on a des théories aujourd'hui qui amènent cela. La manne, elle tombait du ciel. Bon. Et celui qui se levait le bonheur la voyait tomber. Ceux qui se levaient par la suite la trouvaient à terre, sur les roches, etc. On la prenait et on la mangeait. C'était blanc. La manne, la neige supramentale, c'est de l'énergie assimilable par l'humain par la voie corporelle. Donc, la neige, dans le contexte de mer, elle n'a pas nécessairement voulu en manger. Mais quand tu es perdu dans le désert depuis un bout de temps, ce qui tombe du ciel à l'époque, c'est intéressant. C'est de la manne. C'est de la manne, c'est ça, oui. Tu manges de la manne. Mais à l'époque, c'était de la manne. Aujourd'hui, l'humain mange de la manne. Quand on prend des mélanges dans la scénarisation de films, ceux qui n'ont pas vu le film L'Homme des étoiles, on peut toujours s'amuser à le voir, ça se rapproche. Ce n'est pas cela, mais ça se rapproche. Mais les écrivains sont toujours en contact. Les écrivains sont manipulés, ce sont des êtres humains qui sont des artistes. Alors, ils se relient soit de l'astral, soit de l'astral mental, soit de l'astral supramental, ou dans certains cas, carrément, au plan supramental pour écrire un livre. Bon, un livre d'histoire, comme la cité de Tite, un livre d'histoire. Maintenant, ce qui arrive, c'est que la personne qui a écrit le scénario de L'Homme des étoiles, eh bien, quand la soucoupe qu'on ne voit pas arrive, il neige. Bon, alors il y a la belle musique, et puis là, le bonhomme lâche la fille, puis là, il s'en va, c'est L'Homme des étoiles, il neige. Et il disparaît là-dedans. L'Homme des étoiles, comment il arrive? Eh bien, c'est une petite particule d'énergie qui se promène, puis qui, à un moment donné, trouve un album photo. Il l'ouvre, la particule, donc par télékinésie, ça s'ouvre. Et à un moment donné, la fille qui aimait le bonhomme, le gars est mort d'un accident d'auto, elle a ramassé des cheveux de lui. Elle les a collés dans l'album. Dans le cheveu, il y a tout le code génétique. L'énergie rentre dans le cheveu et recrée le bonhomme au complet en à peu près quoi, une demi-heure. Et là, la femme est prise avec son chum qui est mort, qui maintenant est un extraterrestre, mais c'est son chum. Bon. Lui doit apprendre à connaître le véhicule, donc il est bizarre. Et effectivement, dans le film, on voit que le personnage n'a pas d'ego. Et à la fin, ben, il doit s'en aller, évidemment, comme tous les extraterrestres. Sauf que là, c'est un mélange entre des visions différentes de mécanique extraterrestre et intraterrestre. Et là, quand, à la fin du film, il se met à neiger, il y a un vaisseau spatial que personne ne voit, mais il est là. Rencontre du troisième type, c'est une rencontre avec des intraterrestres. E.T., c'est une rencontre avec un intraterrestre, avec une atmosphère extraterrestre avec un caractère supramental. Cocoon, encore une fois, c'est un mélange. Les êtres de lumière qui sont aperçus sont des êtres, c'est beaucoup plus supramental, extraterrestre. Par contre, ce qui est dans les cocons est totalement intraterrestre. Mais pourquoi il y a un mélange entre les deux? Comment les intraterrestres et les supramentales peuvent se mélanger? Non, ils ne se mélangent pas. Le bonhomme ou la bonne femme... Ouais, la visualisation du scénariste. Oui, le scénariste, il travaille, il se connecte à certaines places, et puis à un moment donné, il digère les choses, et puis il invente un scénario, et à l'intérieur de cela, c'est coloré. Donc, pas se fier au scénario lui-même. C'est coloré. Bon. La neige supramentale, c'est matériel. Il n'y a pas juste à l'époque de Robidoux qui a neigé supramentalement. C'est sûr que quand il neige dans la région ici, le taux d'acidité est de 4 à peu près. Donc, c'est pas la neige supramentale. Mais quand on parle d'intervention extraterrestre, dans les années qui vont venir, il y aura intervention qui permettra à des êtres, à des corps physiques d'être transportés. Bon, je t'ai fait une conférence sur quand les extraterrestres vont intervenir ou interviendront, où j'explique différents phénomènes du genre. La majorité des premières vagues d'intervention pour sauver l'humain, ce sera des interventions extraterrestres. Alors, si on regarde le mouvement raélien, est-ce intra ou extraterrestre? Est-ce bon ou mauvais? Bon. Le mouvement raélien, c'est géovique. Bon. À l'intérieur de la mécanique, il y a la garantie à l'immortalité chez les gens qui font partie du mouvement. On prend une partie des cellules qui se trouvent au niveau du troisième œil, et quand le corps meurt, on va recréer sur la planète des Elohim, entre autres, même si c'est une caractéristique géovique, on recrée sur la planète des Elohim votre corps physique, donc vous-même. Mais l'astral, est-ce que l'âme peut suivre jusque-là? La planète des Elohim, elle est sous terre. Et la génétique qui est ainsi volée va servir à recréer un corps en travaillant une forme de mutation pour pouvoir permettre à l'intraterrestre de finir par mutation génétique, par habiter un corps. Qu'est-ce qui est dit? Il est dit qu'on doit créer une ambassade pour accueillir les extraterrestres. Et accueillir, en termes ésotériques, veut bel et bien dire, comme on le dira, on ne dit pas recevoir Dieu, on dit accueillir Dieu dans son cœur. Accueillir Dieu chez soi. Accueillir veut dire laisser l'énergie divine totalement t'imbiber, te pénétrer. Accueillir l'extraterrestre ou accueillir les Elohim, les intraterrestres, veut dire laisser l'Elohim totalement t'imbiber. Toi, tu n'es plus là. Alors, eux préparent déjà l'âme humaine en disant, avant ta naissance, il n'y avait rien. Après ta naissance, il n'y a rien. De ce fait, la seule façon d'être immortel, c'est par la voie extraterrestre, donc de Raël. Il est vrai qu'une partie des corps physiques ont été créés en contact avec la race élohimique, donc la deuxième vague d'arrivée extraterrestre. Donc, les corps physiques sont créés par cette mécanique. J'ai expliqué aussi le rôle des Elohim. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que du point de vue élohimique, c'est vrai. Avant le corps, il n'y a rien, après le corps, il n'y a rien. Donc, la seule façon de sauver le corps, sauver l'homme. Mais l'homme est autre chose que de la matière. Ça, ce n'est pas pris en considération par la mécanique élohimique. Il y a donc intervention dans l'enlèvement, intervention dans la juxtaposition de la conscience humaine. C'est-à-dire que si on prépare des êtres humains à accepter d'accueillir les extraterrestres, les Elohim, donc en réalité les intraterrestres, on prépare déjà une âme à structurer un corps physique pour qu'à un moment donné, si on est capable de faire évoluer vers l'humain des intraterrestres de façon à ce qu'ils puissent devenir les amis des humains, si eux meurent, ils pourront s'incarner dans un corps humain. Bon, je saute des détails. Bon, une période de questions après, de toute façon, on pourra s'amuser. Pourquoi les intraterrestres ne fonctionneraient pas par clonage? Parce qu'on sait que scientifiquement, maintenant, c'est reconnu comme étant possible, en tout cas avec les animaux, puis c'est censé l'être avec les humains. On n'a rien à faire à cloner. Tu prends un intraterrestre, t'en clones un pareil. Bon, mais il faut pas que c'est pareil, il faut que ce soit amélioré. Mais il ne pourrait pas prendre, au lieu de voler des corps physiques humains, il ne pourrait pas en prendre un ou des cellules, puis en reproduire, tout simplement. Non, pourquoi? Pour la seule raison que... Sans âme. Oui, c'est parce que le clonage se fait régulièrement là-bas. Moi, j'appelle ça du clonage agricole. Bon, ils en font en masse. La seule chose qu'il y a, c'est que quand on fait un clonage, la génétique est la même. Et ce que les intraterrestres recherchent, c'est le corps ou les corps qui seront capables de se mélanger à l'intraterrestre. Là, ils cloneront suffisamment. Et vu qu'ils ne l'ont pas trouvé, les fœtus humains, on les travaille pour les muter, pour arriver à engendrer des femelles, surtout, qui seront capables de se mélanger avec le mâle intraterrestre. Ce n'est pas arrivé jusqu'à date. Les jeunes filles qui sont enlevées, on essaie aussi de muter leur utérus, non pas la femme, de muter leur utérus pour pouvoir arriver à avoir un utérus, disons, artificiel, naturel, pour pouvoir faire des mélanges génétiques avec la race intraterrestre. Tandis que les jeunes garçons servent uniquement à ramasser justement des cellules qui sont, vu que l'enfant est jeune, sont pleines de vitalité, de façon à servir des mélanges génétiques. Maintenant, c'est extrêmement pénible et compliqué de prendre... c'est facile de prendre un code génétique et de jouer avec une guanine, une adénine, bon, de jouer avec certaines protéines à l'intérieur du code génétique pour bouger l'humain. Mais lorsque tu prends le code génétique de l'âne, le code génétique du cheval, et que tu veux en faire un mulet capable de se reproduire, c'est autre chose. Hein? Le mulet, la mule, le mulet surtout, le mulet, c'est un animal totalement stérile qui provient du mélange entre l'âne et le cheval. Sauf que le mulet, lorsqu'il meurt, il meurt. Il n'y a aucune reproduction, ça ne se fait pas. Chaque fois que tu achètes un mulet, c'est un mélange entre les deux animaux. Ça améliore la race, c'est-à-dire que le mulet est plus solide que l'âne, plus petit que le cheval, mais en tout cas, il y a plusieurs choses qui est plus résistant que les deux finalement, mais il est stérile. Est-ce que les intraterrestres sont capables de retourner soit sur la face cachée de la Lune ou sur Vénus? Ils peuvent voyager, ils sont pas confinés à l'intérieur de la Terre. C'est pourquoi on parle d'extraterrestres quand on voit arriver des vaisseaux, des objets volants identifiés. Est-ce qu'ils se reproduisent entre eux ici ou est-ce qu'il y en arrive continuellement des nouvelles quantités? Il n'en arrive pas, ils se reproduisent ici de génération en génération. Leur espérance de vie pour une race est plus courte que la nôtre, pour l'autre est un petit peu plus longue. Quelle est la différence entre les deux races tantôt, tu m'as pas expliqué la... Bon, il y a une des deux races qui est l'esclave de l'autre, il y a une des deux races qui est beaucoup plus petite, qui n'a pas le même cerveau, qui n'a pas... biologiquement, elle est différente, c'est-à-dire que le visage est différent, les mains sont différentes, les pieds sont différents, une partie du corps est différente. La deuxième race, elle est plus près de la race humaine, quoique avec encore des différences sensibles. Pourquoi la race esclave prend la peine de partir d'une autre planète pour se rendre? Non, ceux qui voyagent sont ceux qui font partie de la deuxième vague, donc font partie des êtres intéressants. Disons, pour les différencier, on peut parler de ceux qui ont 5 doigts et de ceux qui ont 3 doigts. Alors, ceux qui ont 5 doigts sont les extraterrestres les plus évolués, sont un peu plus grands, c'est ceux-là qui se promènent. De temps en temps, ils ont des mutants avec eux, les extraterrestres au grand bras, E.T. entre autres, etc. Bon, les plus petits qui servent sont des extraterrestres ou extraterrestres qui se promènent uniquement en termes d'esclaves, mais ils n'ont pas le contrôle à l'intérieur de la société intraterrestre. Les deux sont en phase d'involution. Mm-hmm. Mais c'est pas tout ce qui enlève... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien d'autres choses. Comme quoi? Parce qu'il y a aussi des enlèvements chez les intraterrestres. Par qui? Par quoi? Oui, c'est juste par quoi. Ils enlèvent des intraterrestres ou des humains chez des intraterrestres? Ils enlèvent des intraterrestres. Et des humains. Il y a... En termes d'enlèvement aussi, il y a de disparitions mystérieuses. Il y a sur la planète des mouvements mobiles de. Bon, c'est de trouver les mots, de focalisation d'énergie tellurique. Lorsque l'être humain, par exemple, se promenait près du Cap Hatteras, maintenant, c'est à peu près effacé, c'est rendu à l'intérieur des terres, donc ça n'a plus la même puissance. Mais à l'époque du triangle des Bermudes, c'est la même énergie qui a migré vers le Cap Hatteras, puis qui a migré finalement vers le centre des États-Unis. À cette époque, lorsque les vaisseaux disparaissaient, lorsque les avions disparaissaient, il y avait une vapeur, une brume qui apparaissait, qui normalement est verte. Bon, c'est intéressant, on pourrait dire c'est vert, les intraterrestres sont verts, ça n'a rien à voir. Bon, c'est vert, excellent. C'est vert parce qu'il y a de la moisissure dans l'air, et c'est assez phosphaté, du phosphore. C'est fluorescent, phosphorescent pour être précis. Lorsque les êtres humains, lorsque la matière, les animaux, donc intraterrestres ou non, traversent ces contextes de vapeur, ils se retrouvent dans le passé. Bon, on en a déjà parlé un peu quand on a fait une conférence sur le triangle des Bermudes, mais ce qu'on doit savoir, c'est que prochainement, il y aura une, il y a déjà d'ailleurs une recrudescence, il y a une réharmonisation des anciens pôles de la planète. La Terre, elle a tendance à bouger de quelques minutes par année vers son ancien pôle qui est le désert de Gobi, la Terre de Feu pour ça. Bon, on n'est pas encore dans un changement d'axe planétaire, mais il y a un mouvement. Et si on sait d'ailleurs aujourd'hui que le pôle nord magnétique est régulièrement en migration, le pôle qui est du triangle des Bermudes était aussi en migration, puis à un moment donné, ça revient, tout revient. Bon. Il y a donc un triangle dans la mer du Japon, dans la mer de Chine, dans l'océan Indien, près de Fénorm en Écosse, il y en a un dans le triangle des Bermudes, il y en a un sur le Chic-Choc au Québec, il y en a un dans les Laurentides, bon, il y a plusieurs places comme ça où on en a. On en a qui sont massifs, on en a qui sont mineurs, donc il y en a qui sont majeurs, et d'autres sont plus petits. Lorsque l'être humain se rentre dans ce genre de vapeur qu'on peut appeler la vapeur du passé, il disparaît et il se retrouve quelques années en arrière. Les expériences américaines qui ont été faites là-dessus avec différents porte-avions et sous-marins, entre autres, ont prouvé qu'effectivement l'humain pouvait voyager dans le temps, aller dans le passé, et lorsqu'il revenait, il avait de gros problèmes. Bon, très gros problème. Mais est-ce que c'est un nuage qui est là constamment ou non. S'il apparaît, il disparaît, c'est ça. C'est un nuage qui apparaît, qui disparaît, ce qui a fait en sorte que lorsque les personnages vont faire des études sur les phénomènes, ils ne trouvent rien. Les Américains, les Russes d'ailleurs aussi, sont parvenus à attirer le nuage, donc à ouvrir les portes. À un moment donné, il y a Napoléon. Napoléon, lorsqu'il y a une de ses contingences de son infanterie au complet qui faisait une parade devant une ville qui avait été conquise. Et à un moment donné, il y a une vapeur justement qui est apparue. Et ça, c'est inscrit dans les annales historiques des guerres de Napoléon, surtout au niveau de cette ville-là. Et l'infanterie est rentrée là-dedans et ils ne sont jamais sortis. Lentement, la brume s'est dissipée et on n'en parlait plus. Ça vient d'où cette brume-là? La brume, elle provient de plusieurs choses. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, j'imagine. On fait une conférence là-dessus. Peux-tu me poser des questions? OK. Parce que j'en ai un nuage comme ça en mémoire là, que je me souviens avoir... C'est qu'il y en avait un dans son garage. Non, que je me souviens avoir vu dans un film qui s'appelle Excalibur. Et puis je me demande si c'est de la même nature, le style Merlin. Même chose. C'est un... Barre du dragon. OK. Bon. Ceux qui ont vu Nimitz, c'est la même chose. C'est une puissance qui est engendrée. Oui. C'est une puissance tellurique. Qui est tellurique, c'est ça. OK. C'est toi que je parle, c'est pas moi. Bon, je te pose des questions. Oui, c'est ça. Pose-moi des questions. Qu'est-ce c'est trop long à dire, j'aimerais t'en couper. Qu'est-ce qui engendre ça, ce nuage-là? Le dragon. Qu'est-ce que c'est, le dragon? Les énergies telluriques, c'est les forces belzébuciennes. Quelles sont les forces belzébuciennes? Les forces belzébuciennes, c'est l'énergie qui gère, qui premièrement est engendrée par la Terre elle-même et qui gère tout ce qui vit et tout ce qui croît sur la Terre. Cela veut dire les animaux, les virus, les plantes, l'homme et les intraterrestres. Bon. À Fénorm, à un moment donné, il y a un personnage qui travaillait énormément avec les gnomes, avec les esprits de la nature. Et eux, avant de transplanter un arbre, eh bien, ils parlent pendant 2-3 semaines, ils vont préparer psychologiquement la transplantation. Et après ça, ils transplantent. À Fénorm, c'est une partie de l'Écosse qui est la communauté qui voulait s'établir là. Et s'établir là, il a demandé au gouvernement si le gouvernement pouvait lui donner une partie du désert qu'il y avait dans la région. Le gouvernement a dit pas de problème, on vous donne ce que vous voulez. Alors, ils ont délimité un territoire et puis ils ont commencé à planter des choses là. Quelques années plus tard, le gouvernement voulait exproprier le territoire parce que c'était l'une des régions où les plantes poussaient le mieux en Écosse. Bon. Alors, même lorsqu'il neige, il y a encore des fleurs. Eux travaillent énormément avec les entités de la nature, donc gnomes, entre autres, farfadets aussi. Et les hobbits, ils en ont vu un peu. À un moment donné, ils ont rencontré un personnage qui s'est présenté sous le nom de Belzébuth, et lui était le maître des entités de la nature. Le personnage, il est comme un bélier, un peu plus haut qu'un cheval, Et la partie du cou, c'est le tronc et les bras et la tête d'un homme. Bon, encore une fois, dans les légendes, on connaît le centaure, on connaît le sagittaire. Bon, on connaît différents personnages du genre. Lui, il a parlé un peu avec l'homme, avec le bonhomme, il lui a expliqué que les humains n'envoient pas d'entité comme ça. Pourquoi? Parce que l'humain détruit trop et tous ces phénomènes-là détestent l'homme. Bon. Par contre, il y a aussi les fées. Les fées, ça a des bras immenses, immenses, immenses, extrêmement grands. Bon, les enfants souvent voient ce genre de choses, mais parce que les adultes trouvent que les enfants devraient devenir adultes, ben, à un moment donné, on n'en voit plus. Il y a des légendes aussi où on parle des lutins, là, d'un petit village, où tout le monde faisait le sieste au midi. Puis quand il se levait après la sieste, eh bien, le meunier voyait le grain tout moulu. Hein, le maçon voyait son mur fini, etc., etc. Et à un moment donné, eh bien, on a décidé de... On se demandait c'était quoi. Les citoyens ont fait semblant de dormir un midi. Et quand ils ont entendu du bruit, ils se sont réveillés. Là, ils ont vu des lutins en train de finir le travail. Ils ont eu assez peur qu'ils les ont chassés. Si c'est plein comme ça dans l'histoire du passé. Les forces telluriques, eux aussi, veulent évoluer. Ils n'ont pas déjà évolué. Ils sont en évolution aussi. Ils sont en stagnation et eux aussi, depuis qu'ils ont le contact avec l'homme, ont appris à avoir de l'ego. C'est-à-dire qu'ils ont appris à avoir des désirs. Ils ont appris à aimer, ils ont appris à détester. Ils vont aimer les enfants, mais l'enfant, vers l'âge de quoi, 4, 5, 6, 7 ans, en majorité, il devient déjà détestable par ses entités naturelles. Et celles-ci, ce qu'elles font, elles essaient elles-mêmes de voler, de se muter, de se mélanger, par imprégnation surtout, avec l'humain, avec ce qui est évolué. Parce que l'entité belzébutienne est une mécanique. Et quand on parle d'entité, ça fait trop personnifier un peu, mais ce ne sont pas des entités. On peut apercevoir des hobbits, on peut apercevoir des farfadets, on peut apercevoir des lutins, des gnomes, des fées. Il y a énormément d'autres entités qui ne sont pas apercevables, mais qui sont perceptibles. Bon. Quand on dit parler aux plantes, les plantes poussent mieux. Les plantes n'ont rien à faire de votre affection. Mais les entités naturelles qui, eux, s'occupent de la plante, vont la ranger belle pour pouvoir têter votre énergie quand vous venez affectueusement lui parler à la plante. Bon. Ce têtage d'énergie nourrit l'entité. Nourrissant l'entité s'occupe de la plante, ça va de soi. Sauf que ces entités ont aussi besoin, elles ont peur de l'homme, elles ont peur des intraterrestres, elles ont peur de tous ceux qui peuvent faire la guerre. Et ils s'arrangent pour essayer, premièrement, d'en transformer quelques-uns par contact. C'est pourquoi, progressivement, l'homme, la femme, l'enfant va rechercher le contact avec la nature, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est amené dans la nature. Ou il amènera la nature chez lui. Bon, il mettra des plantes, des fleurs, etc., etc. Bon. Ces entités ont besoin, ils travaillent avec des forces qui sont sataniennes, et ils s'arrangent pour voler de l'humain, de plus en plus, pour pouvoir bénéficier, mais sauf que ce n'est pas une mutation génétique qu'ils recherchent, une mutation énergétique. Mais quel est pour eux l'avantage de voler un plein bateau de soldats, ou, s'ils sont déjà présents dans les maisons, ou si les gens, comme tu dis, on y va vers la nature, on part tout le vendredi soir, pour aller dans le nord, à moins qu'on ait une conférence de Daniel Kemp, toutes les autres, on s'en va dans le nord. Ou dans le sud, mais la migration, ça fait beaucoup plus, en tout cas sur l'autoroute, le vendredi soir, pas mal plus, de Montréal vers Saint-Agathe, Saint-Gilles. Oui, les gens vont s'énergiser vers le nord. Est-ce qu'on va s'énergiser ou est-ce qu'on va se faire piquer notre énergie? Les gens vont s'énergiser parce qu'ils vont ramasser de l'énergie tellurique. Sauf que en même temps, ce qui va arriver, c'est qu'à peine, mais progressivement, les gens, de toute façon, vont tellement se faire sucer énergétiquement dans le nord, psychologiquement et pas vitalement. Les gens vont s'énergiser vitalement dans le nord, mais psychologiquement, ils se font têter un peu. C'est pourquoi qu'il y a une migration des gens qui ont commencé du nord vers le sud, et de plus en plus, les gens qui habitent le nord ne pourront plus dormir là, ne pourront plus rester là. Pas tous, là, mais plusieurs personnes vont commencer à descendre vers le sud. Alors que d'autres personnes qui ont besoin du nord et qui eux, vont monter vers le haut, parce que c'est eux qui auront prochainement à contrôler les entités naturelles, donc les esprits de la nature. Mais quand un être humain traverse un nuage comme ça et disparaît, il est normalement totalement dissous, dilué. Il est... Atomiquement, il est totalement dissocié. Il redevient de l'énergie, et là, il nourrit totalement les entités naturelles. C'est pourquoi les êtres humains qui sont disparus dans ces phénomènes-là ne sont jamais revenus. Mais il y en a qui sont revenus du triangle des Bermudes, qui étaient, comme tu disais tantôt, ébranlés. Ils n'étaient pas ébranlés, c'est ça qui est arrivé. C'est qu'il leur manquait énormément de parties vitales, corporelles. Mais ils ont reconstitué atomiquement. Les corps physiques sont revenus comme... Les corps physiques sont revenus et de temps en temps, le corps physique a tendance à se diluer, à disparaître. Et la personne descend d'énormes brûlures, il n'y a pas de brûlure. Et là, le bras commence à disparaître progressivement, puis il peut revenir, parce que la personne, elle est revenue, n'a pas eu le temps de se faire totalement digérer. Mais ces personnes-là qui sont revenues, surtout suite à des expériences américaines ou soviétiques au niveau militaire, ces personnes-là ont d'énormes problèmes vitalement à se maintenir. Puis la majorité meurt, à un moment donné, il y en a un qui disparaît, puis il y en a un autre qui disparaît encore. Est-ce que de ces deux parties-là, là, je me sens attaqué par des intraterrestres et des entités, est-ce que ces deux groupes d'entités-là ont prévu l'intervention de l'intelligence supramentale, oui ou non, ou est-ce qu'ils sont dangereux? Les entités naturelles espèrent l'intervention extraterrestre supramentale, donc l'intervention de l'intelligence de l'homme. Ils l'espèrent. Mais l'homme, planétairement, est un animal. Un animal humain, il n'a pas d'intelligence. Il ne fonctionne que par désir, peur, crainte, etc. Il n'est pas écologique, il n'est pas conséquentiel. Il n'est pas encore capable de faire de l'intelligentiation. Certains sont capables et certains travaillent vers. Quand je dis, à un moment donné, qu'il y a de plus en plus d'êtres humains transportables, ben, le terme est intéressant. Mais ça veut quand même dire ce que ça veut dire, transportable. Et comme je disais aussi, imaginez que soit un dieu, un extraterrestre ou n'importe quoi, quelqu'un qui vienne sur la planète et qui décide de sauver une partie de l'humanité, ben est-ce qu'il va vouloir vous avoir à bord? T'sais? Chioleux, chioleuse, rouspetteuse, jamais content, en veut toujours un peu trop, se dispute avec l'autre. Ah, on veut les respecter, les extraterrestres! Oui, on va jouer ensemble aux échecs, puis là, quand tu gagnes, j'ai l'impression que tu triches pour s'engueuler entre nous autres. Moi, j'aime pas ça, avoir du monde de même dans ma maison. Probablement qu'il y a beaucoup d'humains qui vont devoir rester dans leur maison. Mais ils vont venir nous sauver de quoi? Nous sauverons pas. Nous sauverons pas. On n'a pas à être sauvé. Bon. Personne n'a à être sauvé. C'est pas compliqué. Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont partir, mais ceux qui vont partir n'ont pas à être sauvés pour la simple raison que c'est réglé. Et ceux qui n'ont pas à partir n'ont pas à être sauvés pour la simple raison que c'est réglé. C'est encourageant pour ceux qui ne partent pas. C'est réglé parce que c'est réglé pour moi. Non, mais ceux qui ne partent pas, c'est ceux qui ne veulent pas partir. Mais ceux qui partent, ils se poussent de quoi? Ils se poussent pas non plus. Ben, s'ils s'en vont, moi, quand. Si je décidais de quitter la planète, j'aurais une raison, ça. Oui, ça ferait parce qu'il y aurait un danger. Comme tu dis, il n'y en a pas. Moi, je la quitterais bien, même s'il n'y a pas de danger. Ça dépend pour aller où. Ah, évidemment, mais quand on sait où on va. Ben, il faut d'abord savoir où on va. Mais dans quel sens les deux entités là, dont on parlait tantôt, les intraterrestres et les entités telluriques? Les intraterrestres espèrent la venue de l'homme intelligent, de la femme intelligente, de l'enfant intelligent. On parle donc de l'homme, la femme ou l'enfant nouveau. On parle de la sixième race, on parle de l'être humain et non pas de l'animal humain. Ils l'espèrent. Quand on parle d'intervention extraterrestre, c'est l'intelligence de l'homme. Maintenant, c'est un peu complexe à expliquer comme ça. C'est plus des choses sur lesquelles on revient, soit en conférence régulière, en conférence spéciale ou au séminaire. Il y aurait trop d'éléments à donner, mais ça fait c'est vous-même. C'est l'intelligence de l'homme, mais c'est l'intelligence de l'homme. Ce n'est pas l'intelligence de l'homme. L'être humain est un corps physique, un corps vital, un corps psychologique, de la mémoire d'intelligence, un corps mental qui a la gestion de mémoire d'intelligence. Et de temps en temps, il a la capacité de conscientiser moléculairement, donc dans son corps physique, l'intelligence qui a donné naissance à la mémoire qui est maintenant régie par le mental. Ça, c'est l'homme ou la femme. En réalité, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme, c'est androgyne. Ça, c'est l'intelligence. Sauf que l'intelligence, c'est ce qui crée de temps en temps les prémices, les débuts de conséquentialité chez l'humain. C'est ce qui nourrit le mental et qui fait en sorte que le mental, à un moment donné, par légifération, par vision logique des choses, finit par lutter contre les stupidités émotives. Bon. Sauf que, donc, c'est l'homme. L'intervention extraterrestre réelle est une intervention humaine qui, en majorité, vient de l'avenir et provient de la gestion de l'intelligence à travers la galaxie. Mais encore là, je ne vais pas me perdre dans certains détails. C'est ce qui va venir chez les êtres humains capables de recevoir du neuf, capables de s'anégoïser, donc de voir leur ego fondre, capables d'appliquer les choses qu'ils comprennent, qu'ils apprennent, qu'ils savent. Ceux-là deviennent transportables en ce sens qu'ils, je dis, ils méritent, ils ne méritent pas, mais c'est un mérite sans émotion et sans désir, donc il faudrait inventer un autre mot. Ces personnages-là seront, pas sauvés, seront transportés. Bon. Les extraterrestres espèrent qu'il y aura suffisamment d'êtres réveillés d'ici les prochaines années. Hein? C'est dans les années 90 que ça se déterminera. Ils l'espèrent, pourquoi? Parce que ces êtres-là seront capables, s'il y en a suffisamment, de reprendre en gestion toute la mécanique astrale et de détruire tout ce qui est chez l'humain. Fait que l'humain reste un animal, ils pourront dépolluer l'énergie qui est conservée dans la mémoire astrale, qu'on appelle les annales akashiques, qu'on appelle le ciel, le monde de la mort, le nirvana, etc. L'akasha, c'est la même chose. L'énergie qui est fixée là pour maintenir de la mémoire de temps, cette énergie-là, lorsqu'elle sera régie par l'être nouveau, cette énergie-là sera capable de dépolluer, de restructurer le Sahara en paradis, etc. Pourquoi l'être humain est de plus en plus fatigué? Pour la simple raison qu'il y a de moins en moins d'énergie vitale, parce que les entités naturelles la puisent de plus en plus, de façon à restructurer la planète qui est démolie par l'être humain et par l'être terrestre. Maintenant, l'être terrestre, lui, il sait aussi qu'il y aura une intervention extraterrestre d'ordre intelligent. Et lui en a une peur folle pour la simple raison que si l'être humain devient le moindrement trop intelligent, il ne pourra plus génétiquement être mutable, pour pouvoir s'associer à la génétique de l'être terrestre. Alors ils vont s'arranger pour faire en sorte que l'humain, les humains qui sont contrôlés par la mémoire intraterrestre, braquent la majorité de ce qu'ils ont comme armement vers le ciel. Mais en même temps, ils vont apparaître devant des peuples fanatisables, pour forcer ces peuples à entrer en guerre contre l'humain, de façon à détruire l'humain. Ils ne veulent pas se ramasser le plan planétaire avec 5 200 855 000 humains devant eux. Tantôt, tu disais que c'est les humains, finalement, qui allaient les sauver. Oui. L'intraterrestre, comment ils vont faire ça s'ils essaient de les attaquer en même temps? C'est pas les humains intelligents, les humains supramentaux, qui vont les sauver. Pourquoi? Pour la simple raison que c'est absolument stupide de détruire une race uniquement parce qu'elle a trop d'ignorance. L'intraterrestre est sauvable. L'intraterrestre est sauvable par évolution. Donc, ces intraterrestres-là, ce n'est pas des mutations génétiques. L'intraterrestre fonctionne comme l'humain. Pourquoi tu penses que l'humain, à un moment donné, a commencé à découvrir la façon de muter les codes génétiques? Pourquoi l'humain fait de la recherche, faire du clone, du clonage? C'est typiquement de l'information intraterrestre. L'humain essaie aussi de découvrir le code génétique, découvrir les lacunes génétiques pour pouvoir muter l'humain. Si on est capable de prendre votre enfant ou vous-même, et là on vous fait faire une mutation qui fait qu'à un moment donné vous changez biologiquement certaines choses, ben on aura la clé. La clé pourra servir aussi à vous muter de façon à faire de vous un extraterrestre. En réalité, un intraterrestre. Bon. L'humain fait ce genre de travail. Sauf que qu'est-ce qui mute l'homme? Qu'est-ce qui mute la femme? Qu'est-ce qui mute l'enfant? Qu'est-ce qui vous mute le mieux? Si vous pratiquez des techniques et qu'à un moment donné, vous lâchez les techniques et que vous conservez ce que la technique vous a appris, c'est que vous avez muté. Cette mutation, elle est nécessairement positive, alors que les mutations aléatoires sont à peu près toujours négatives. C'est le problème de la science, extra ou humaine, intraterrestre ou humaine. L'évolution se fait par de l'intelligence. Les vieilles techniques kundaliniques, prendre de l'énergie vitale, le feu kundalini, l'énergie sexuelle est le foyer où est-ce que tu peux mettre le feu là-dedans. Faire monter ça le long de la colonne vertébrale à travers deux méridiens, yin et yang, et un méridien minal, inconnu à l'époque, mais qui fonctionne quand même, à travers les carrefours d'énergie pour réveiller les chakras, pour parvenir à ouvrir le centre coronal au niveau de la tête, ça, ça permet une évolution et une mutation génétique. C'est pourquoi les êtres humains sont mutés. Si on retourne dans le passé, je vais juste aller visiter un musée où il y a des armures, et vous verrez que les chevaliers qui avaient ces armures-là étaient des êtres petits, massifs. On a évolué maintenant. Et plus ça va, plus on est grand, tapette. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'évolution s'est faite du bas vers le haut. Maintenant, elle se fait du haut vers le bas, supramental, coronal, descendant vers le sol pour muter la matière. Mais ça se fait par conscience, par intelligentiation. Ça ne se fait pas par science. Le meilleur instrument scientifique pour connaître cosmogoniquement l'univers, c'est l'homme. Par l'intuition, par le savoir instantané, et aussi par les sens biologiques, les sens vitaux. Les interventions extraterrestres dont tu parlais tantôt, tu disais qu'ils viendraient plutôt du futur, mais que c'était l'homme, mais dans le futur, qu'ils viendraient dans le temps. Il y a d'autres disparitions mystérieuses. Est-ce qu'ils font disparaître, justement, l'humain? On va revenir, je ne sais pas quand, sur ces choses-là. Il y a d'autres disparitions mystérieuses, c'est important de savoir. Les contactés extraterrestres, la semaine prochaine. Est-ce que ces gens-là qui reviennent, oui, du passé, c'est-à-dire du futur qu'ils viennent sur la Terre, est-ce qu'ils viennent enlever ou amener quelque chose? Voilà. Disparition mystérieuse. Il y a aussi des êtres humains qui se font enlever, qui ne le savent pas. Ils se couchent un soir. Je suis convaincu que c'est arrivé pas mal à tout le monde de s'être couché un soir. Ça m'est arrivé une fois, oui. Et il s'endort. Ça aussi, ça m'est déjà arrivé. Vous voyez, on pensait que vous n'étiez pas grand-chose, hein? Mais c'est comme un billet de loterie, là. C'est le dernier chiffre qui compte, là. Pour l'instant, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Voilà, le dernier chiffre. Et il rêve. Je connais ça, va. Ouais. Et le rêve est un voyage astral. Ça va aussi. Dans l'avenir. Ça s'est mélangé, normalement. Il arrive, effectivement, qu'il y a des êtres humains, et ça, ça... Bon, ceux qui vivent cela, ou ceux qui vivent des symptômes, vous ne vous rappellerez sans doute pas avoir été enlevé par un vaisseau extraterrestre ou par un extraterrestre de l'avenir. Mais certains individus, à un moment donné, sont ramenés une seconde aller à quelques années après leur enlèvement. Donc, si ça vous est arrivé, vous vous êtes réveillé le lendemain avec 5 ans ou 10 ans d'expérience de vie physique dans un autre monde. Et là, lorsque vous revenez, vous avez l'impression de ne pas être sur la bonne planète. Et normalement, ça va vous aller vous rappeler progressivement de l'essence de ce voyage où on vous a enlevé pendant un an ou deux ans, et vous allez commencer à être un chioleur ou une chioleuse de ce genre de choses, c'est qu'ils sont tous involués, c'est tout compte, c'est si, c'est ça. Vous avez ça été ça marche enlevé avec le chiolage, ma belle-mère a douté souvent. Oui, mais chiolage avec une vision d'intelligence. Pourquoi c'est con ceci, pourquoi c'est con cela? Pas chiolage, pas chioler. On s'entend bien. Peut-être ta belle-mère est allée dans le passé. Et les individus qui, à un moment donné, sont capables d'utopiser, de faire de l'utopisation, plusieurs le sont, ont été enlevés, amenés dans l'avenir et ramenés dans le présent, uniquement dans le but de... La conférence est terminée. Dans le but de... T'as le dire, là, avec la musique, là. De respirer. Alors on va continuer un petit peu la deuxième.